ciel bientôt va changer de couleur. L'hiver revient et je compte les heures. Je n'ai pas oublié. Pas oublié. L'hiver dernier. Et pour la première fois je t'embrassais. J'avance et m'interroge. Le docteur me guette, puis il m'affirme que je peux partir. Je suis sorti du brouillard. Je me réveille un peu plus chaque soir. Mais je reviens. Marie, tu vois, ça s'arrange. Le bal est fini. Entre tes chorales et l'oubli, on peut reprendre le voyage. Aujourd'hui, je suis guéri. Je n'ai pas revu Séverine depuis des mois. Que devenez-vous, s'il te plaît, réponds-moi. Je nage dans l'ignorance. Votre ignorance, tout seul chez moi. Je te vois en photo sur les réseaux. J'espère que tout va bien et qu'il fait beau. Ici, ta place est vide. Je vis de silence et ton visage dans mon inconscience me parle et sourit. Ton rire s'efface un peu plus chaque nuit. Mais je reviens. Le bal est fini. Le docteur me l'a dit. On vivra dans la musique. Entre tes chorales et l'oubli, on peut reprendre le voyage. Aujourd'hui je suis guéri.